Actes chapitre 15. Or quelques-uns qui étaient descendus de Judée, enseignaient les frères, en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon l'usage de Moïse, vous ne pouvez point être sauvés. » Sur quoi une grande contestation et une grande dispute, s'étant excitée entre Paul et Barnabas, et eux, il fut résolu que Paul et Barnabas, et quelques autres d'entre eux, montraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour cette question. Eux donc étant envoyés de la part de l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des gentils, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Et étant arrivés à Jérusalem, ils furent reçus de l'Église, et des apôtres, et des anciens, et ils racontèrent toutes les choses que Dieu avait faites par leurs moyens. Mais quelques-uns, disaient-ils, de la secte des pharisiens qui ont cru, se sont levés, disant qu'il les faut circoncire, et leur commander de garder la loi de Moïse. Alors les apôtres et les anciens, s'assemblèrent pour examiner cette affaire. Et après une grande discussion Pierre se leva, et leur dit, « Ô frères, vous savez que depuis longtemps Dieu m'a choisi entre nous, afin que les gentils ouïssent par ma bouche la parole de l'Évangile, et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit, de même qu'à nous. Et il n'a point fait de différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en voulant imposer aux disciples un joug que ni nos pères, ni nous, n'avons pu porter? Mais nous croyons que nous serons sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, comme eux aussi. » Alors toute l'assemblée se tut, et ils écoutaient Barnabas et Paul, qui racontaient quels prodiges et quelles merveilles Dieu avait fait par leurs moyens parmi les gentils. Et après qu'ils se furent tus, Jacques prit la parole, et dit, « Ô frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré à son nom. Et c'est à cela que s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela je retournerai et rebâtirai le tabernacle de David, qui est tombé, je réparerai ses ruines, et je le relèverai, afin que le reste des hommes recherchent le Seigneur, et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur, qui fait toutes ces choses. De tout temps sont connues à Dieu toutes ses œuvres. C'est pourquoi je suis d'avis de ne point inquiéter ceux des gentils qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils aient à s'abstenir des souillures des idoles, et de la fornication, et des bêtes étouffées, et du sang. Car quant à Moïse, il y a de toute ancienneté dans chaque ville, des gens qui le prêchent, vu qu'il est lu dans les synagogues chaque jour de sabbat. Alors il sembla bon aux apôtres et aux anciens, avec toute l'Église, d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas des hommes choisis entre eux, savoir, Judas, surnommé Barsaba, et Sila, qui étaient des principaux entre les frères. Et ils écrivirent par eux en ces termes, les apôtres, et les anciens, et les frères, aux frères d'entre les gentils à Antioche, et en Syrie, et en Cilicie, salut. Parce que nous avons entendu, que quelques-uns étant partis d'entre nous, vous ont troublés par certains discours, agitant vos âmes, en vous commandant d'être circoncis, et de garder la loi, sans que nous leur en eussions donné aucun ordre. Nous avons été d'avis, étant assemblés tous d'un commun accord, d'envoyer vers vous, avec nos très chers Barnabas et Paul, des hommes que nous avons choisis, et qui sont des hommes qui ont abandonné leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Judas et Sylla, qui vous feront entendre les mêmes choses de bouche. Car il a semblé bon au Saint-Esprit, et à nous, de ne mettre point de plus grande charge sur vous que ces choses-ci, qui sont nécessaires. Savoir, que vous vous absteniez des choses sacrifiées aux idoles, et du sang, et des bêtes étouffées, et de la fornication, desquelles choses si vous vous gardez, vous ferez bien. Bien vous soit. Après avoir donc pris congé, il vint à Antioche, et ayant assemblé l'Église, ils rendirent les lettres. Et quand ceux d'Antioche les eurent lus, ils furent réjouis par la consolation qu'elles leur donnèrent. De même Judas et Sylla, qui étaient aussi prophètes, exhortèrent les frères par plusieurs discours, et les fortifièrent. Et après avoir demeuré là quelque temps, ils furent renvoyés en paix par les frères vers les apôtres. Mais il sembla bon à Sylla de demeurer là. Et Paul et Barnabas demeurèrent aussi à Antioche, enseignant et annonçant, avec plusieurs autres, la parole du Seigneur. Et quelques jours après, Paul dit à Barnabas, « Retournons-nous-en, et visitons nos frères par toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir quel est leur état. » Or Barnabas conseillait de prendre avec eux Jean, surnommé Marc. Mais il ne semblait pas raisonnable à Paul, que celui qui s'était séparé d'eux dès la Pamphylie, et qui n'était point allé avec eux pour cette œuvre-là, leur fût adjoint. Sur quoi il y eut entre eux une contestation qui fit, qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, et que Barnabas, prenant Marc, navigua en Cypre. Mais Paul ayant choisi Sila pour l'accompagner, partit de là, après avoir été recommandé à la grâce de Dieu par les frères. Et il traversa la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises.